Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est-il de savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou de savoir qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous en tant que croyants? Est-ce que c'est de découvrir qui nous sommes ou découvrir ce que nous devrions faire? Qui nous sommes? Le restant va venir plus facile, va être plus facile à comprendre, va être plus facile à accepter, va être plus facile à faire et à vous désirer mettre en pratique si nous savons qui nous sommes en tant que croyants. On vient de chanter ensemble « C'est mon désir ». C'est mon désir de ressembler à Jésus-Christ, d'être comme toi. Donc, il y a quelque chose en nous qui est gravé en nous, qui fait partie de nous, qui désirons être comme celui qui nous a sauvés. Si ce désir-là n'est pas là, peu importe ce que vous allez faire, ça va être une religion. Parce que Jésus va dire, il dit quoi une fois à son peuple? Vous faites tout ce qui est correct, mais votre cœur n'est pas là. Ce qui n'était pas en dedans, quelque chose de différent. Mais nous, vu qu'on était changé à l'intérieur, l'extérieur va devenir normal et plus naturel pour nous d'être, de vouloir faire. Parce qu'on a un désir. Et ce désir-là a été implanté dans notre cœur par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il fait partie de nous, ce désir-là. Et ce matin, c'est ce que nous étudions dans l'Épître aux Romains. Nous désirons connaître ce que Dieu a fait pour nous, connaître ce qu'il fait en nous. Il y avait des amis qui venaient avec nous visiter cette semaine. Je leur ai dit une chose que je vous ai répétée souvent. C'est plus important pour moi de vous dire ce que Dieu est en train de faire dans votre vie que de vous dire ce que vous devriez faire pour Dieu. Non qu'on ne doit pas savoir ce qu'on devrait faire, mais c'est plus important de découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Je crois que la vie chrétienne devient un lourd fardeau quand on est toujours en train de se lamenter ou d'essayer de découvrir, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai pas fait ça, puis là, j'étais des années après chaud chrétien, tu ne devrais pas faire ça, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça, plus, tu dois faire ça, moins. Et il y avait un fardeau sur leur dos plutôt qu'une libération. Mais de découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, ça, ça nous libère, ça nous donne de la joie, ça nous donne excusez l'expression anglophone, le fuel pour fonctionner. Ça nous donne l'énergie pour passer à l'action. Ça nous donne les bons motifs pour passer à l'action. Vous allez voir, mais qu'on arrive dans Romains 11, l'apôtre Paul va dire, à cause de ce que je viens de dire dans les 11 premiers chapitres, voici ce que vous devez faire maintenant. Là, il va faire juste 3 chapitres. Il fait 11 chapitres sur ce que Dieu est en train de faire et 3 chapitres sur ce que nous devons faire. Ça nous dit vraiment comment est-ce que lui voit la situation aussi, l'apôtre Paul. Dans le chapitre Romains, chapitre 6, au verset 15, c'est marqué, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Et l'apôtre Paul dit, loin de là. Loin de là. Il dit, est-ce que maintenant le fait qu'on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi comme les Juifs étaient sous la loi, donc il dit, vu qu'on n'est plus sous la loi, allons-y. Il n'y a plus de loi. Un jour, j'étais à Montréal, il y a quelques années de cela, je m'en allais à Vancouver, en train. Et on avait monté à Montréal en autobus, avec mes amis et moi. Et là, on avait été à la gare et on attendait notre train qui partait vers minuit. Et on avait du temps, on avait 1 heure ou 2 devant nous autres. Donc, on a mis nos bagages dans un locker, on a barré ça, on est parti en ville. On ne devait pas venir dans la ville de Montréal. On était des petits gars de la campagne, donc on avait hâte de voir la grande ville. Et tout d'un coup, on s'est mis à entendre un de ces vacarmes épouvantables. Vatame d'une foule en folie, de vitres qui cassaient partout. Fait que, on voyait tout le monde partir à courir, fait qu'on a fait les moutons, on est parti à courir, nous autres aussi, dans la direction du bruit. Ils ont arrivé sur l'une des grandes rues de Montréal, je ne me souviens pas quelle rue. Et là, il y avait une foule de à peu près de 1000 personnes. qui cassait toutes les vitrines, un après l'autre des magasins, et ils rentraient dans les magasins, et ils volaient tout ce qu'il y avait là, puis ils ressortaient, puis ils mettaient ça dans leur char, puis ils partaient, ils s'enfuyaient avec ça. Tout le monde volait ce qu'il y avait dans les magasins. Tu sais pourquoi? Qui faisait ça? La police de Montréal était en grève. Il n'y avait plus de loi. Il n'y avait plus de loi. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de loi, c'est parce que le fait qu'il n'avait plus de police, l'être humain a laissé exprimer ce qu'il avait dans son cœur. Qu'est-ce qui le retenait? C'était son cœur? Non, c'était la police qui le retenait. T'enlèves la police, la folie sort. Parce que c'est la folie qui était dans son cœur. Faites-vous-en pas, j'ai rentré dans les magasins aussi, j'étais pas mieux que les autres. Pas longtemps après ça, dans la même semaine, ils ont fait venir l'armée, puis ils ont mis l'armée là en place. Ça, c'était en 69, là, qui se rappelle de ça. Je m'en rappelle parce que je m'en allais à Vancouver, j'avais 19 ans. Quand il n'y a pas de loi, l'être humain, c'est le bordel. Mais la loi ne change pas son cœur. La loi fait juste retenir par des conséquences fâcheuses, des conséquences douloureuses. Pourquoi est-ce qu'on arrête au stop? Pourquoi qu'on ne va pas trop vite? On le sait quand on voit des petites lumières rouges. Oui, tout le monde, hein? Vous mettez une police au bord de la 117 ou ça à 15. Tout d'un coup, tu dis, voyons, comment ça que tout le monde ralentit? Et tu vois un petit peu plus loin qu'il y a une police qui est là. Elle peut juste les faire ralentir. Ils s'en allaient tout parce que. Mais écoute, ils sont passés à la police, ils repartent tout en bas. Ça va, vous le faites, hein? Je le fais aussi. Je le fais aussi. C'est l'extérieur qui contrôle l'intérieur. Mais Dieu a dit, je vais changer ça. Dieu a dit, je vais changer ça. Je vais changer l'intérieur. L'intérieur. Pour que on désire faire les choses pour le Seigneur. Et non pas une loi qui nous oblige. Fait que là, il y en a qui disent, mais s'il n'y a plus de loi, parce que l'apôtre Paul leur dit, il n'y a plus de loi, on est sous la grâce, on est fait une même plante avec Jésus-Christ, on est pardonné. Donc, il dit, s'il n'y a plus de loi, péchons. Allons-y, c'est ce qu'il dit au verset 15. Péchons. À cause qu'on est sous la grâce, retenons-nous pas, on est pardonné. Mais il dit, non, non, loin de là, ça ne fait pas ça. La grâce ne fait pas ça. Si quelqu'un vous dit ça et que vous le voyez agir demain, dites-lui bien, il n'a pas goûté la grâce parce que la grâce ne fait pas ça. C'est pas la réaction de la grâce, ça. Quand je goûte la grâce, que je vis sous la grâce de Dieu, ça ne fait pas ça dans ma vie. Quand Joseph a sorti de sa prison en Égypte et qu'il est allé voir le pharaon qui était en train de virer un peu ma boule à cause de ses visions et de ses rêves, qu'est-ce que fait du bien à Joseph a fait du bien à Pharaon en interprétant les rêves. Qu'est-ce que telle était la réaction de Pharaon? Est-ce qu'il a dit, bon, maintenant que je le sais, on retourne en prison, mon espèce d'esclave? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a élevé, il a fait du bien. Il a donné des grandes richesses, de l'honneur, de la gloire. Il a eu une femme, il a eu des enfants avec cette femme-là. Il l'a établi, le deuxième plus important dans tout le royaume d'Égypte. Qu'est-ce que Cyrus a fait à Daniel quand Daniel lui a fait du bien et qu'il lui a montré qu'est-ce que Dieu voulait pour lui? Cyrus a pris Daniel, il l'a élevé aussi. Quand quelqu'un nous fait du bien, ça ne nous pousse pas à lui faire du mal. Ça nous fait le contraire. Et si vous regardez quand Jésus est sur la terre pendant 3 ans et qu'il fait du bien aux gens, qu'est-ce que les gens font tout de suite après? Avez-vous des idées qui vous viennent à l'esprit? Quand quelqu'un se guérit ou se fait ressusciter ou il voit clair, ou maintenant quelqu'un qui, Jésus, lui fait pousser une jambe parce qu'il était estropié, maintenant il y a une jambe de plus. Qu'est-ce que les gens, quelle réaction ont-ils envers Jésus? Il y en a qui c'est de le suivre. D'autres réactions. Il y en a qui se mettent à crier puis louer le Seigneur, louer Dieu. Il y en a qui lui donnent tout son argent. Il y en a qui ont des femmes et des hommes qui ont parti, ils ont suivi Jésus, puis ont dit, on va prendre soin de toi, nous autres. Puis ils ont commencé à donner tout leur argent au Seigneur pour qu'ils puissent vivre et commencer à prêcher sans se soucier du côté monétaire. Il y en a qui ont eu de la reconnaissance. Il y en a qui sont allés chercher le chum, puis ils ont emmené voir Jésus à l'auto. Hey, il dit, moi j'ai été guéri. Ils partent, ils vont voir le chum, ils les amènent ensemble. Jésus, il a-tu demandé quelque chose? Jésus m'a demandé rien. C'est une réaction normale à la bonté de Dieu. C'est une réaction normale à la grâce de Dieu. Quand Dieu nous fait du bien, on réagit pour lui faire du bien. Maintenant, quand l'apôtre Paul arrive au chapitre 15, puis qu'il dit, au verset 15, puis il dit, « Hey, c'est pas à cause qu'il n'y a plus de loi, et que maintenant Dieu nous a fait grâce, qu'on va pécher, qu'on va vouloir se voter dans le mal, puis dire, « Oh, il n'y a rien là, je suis sauvé pareil. » Ben non. Il dit, « Loin de là. » Et le mot dans le grec, le « loin de là », c'est à peu près le plus fort expression du négatif dans le grec, dans la langue grecque. Il ne peut pas avoir plus fort que ça. Quand il dit « loin de là », ça veut dire « au grand jamais, on va faire ça. » C'est très fort comme négatif. Quand Dieu nous fait du bien, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Et l'apôtre Paul va expliquer à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, 24, là, il va expliquer pourquoi est-ce que on ne peut pas se voter dans le péché. Il va l'expliquer d'une façon figurée pour son temps, mais qui était très fort dans son temps. Je ne sais pas si je l'ai mis, si je l'ai sorti. Il me semble que je l'ai mis à quelque part. OK. Attendez un petit peu. J'ai fait quelques petites photos pour vous montrer des choses. L'esclavage. Il va utiliser un terme que les gens connaissent très bien dans le temps de Jésus. Savez-vous que dans l'Empire romain, il y avait plus d'esclaves que de citoyens romains? Toutes les gens qui avaient le moindrement un peu d'argent avaient des esclaves. Et un esclave, c'était quelqu'un, par définition, je pense que je l'avais mis, pas celle-là. Un esclave est un individu privé de liberté et soumis à l'autorité tyrannique d'une personne ou d'un maître, lui impose des dures, son maître lui impose des dures épreuves. Il peut être acheté et revendu comme un objet, moins bien traité qu'un animal. Il peut subir la torture, la violence et des abus sexuels. L'esclave n'avait aucun droit. Il n'y a plus d'esclaves, j'ai trouvé ça sur Internet, parce que j'ai fait une recherche sur Internet. Il dit, il n'y a plus d'esclaves de nos jours qu'il y avait il y a 400 ans. Tu sais plus de trouver ça? Il y avait plus d'esclaves aujourd'hui qu'il y a 400 ans. Qu'il y a eu en 400 ans de traite transatlantique entre les Amériques et l'Afrique, selon un reportage du National Geography à paraître bientôt. Le commerce d'humains serait aussi important que celui de la drogue. Environ 27 millions d'individus, hommes, femmes, enfants, seraient réduits à l'esclavage un peu partout dans le monde. Ils sont contraints par la menace et par la violence à travailler gratuitement. Dans l'article, il disait, il ne serait pas surprenant que vos running shoes que vous portez aient été faits par des esclaves. Tu regardes tes souliers et tu dis, si les miens ont été faits comme ça. Souvent, on engage des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, et tout ce qu'on fait, c'est de les nourrir pour qu'ils puissent travailler. Ce sont des esclaves, ils n'ont pas de liberté. Et l'apôtre Paul a utilisé cet exemple pour nous parler ce matin de que nous, les enfants de Dieu, on est des esclaves. J'ai marqué comme titre de mon message ce matin, esclave un jour, esclave toujours. On était esclaves, et les apôtres Paul vont nous montrer ce matin que nous sommes encore des esclaves. On est encore des esclaves, mais pas du même maître. Mais on est encore des esclaves. Et un esclave ne peut pas dire, « Ah! Je vais faire ce que je veux maintenant. J'ai changé de maître, mais je vais faire ce que je veux. » Non, c'est l'autre maître qui va dire qu'est-ce qu'il doit faire. Dans ce temps-là, quelqu'un qui allait sur le marché des esclaves, puis qui achetait un esclave, il l'emmenait chez eux. Bon, là, il dit, ben, écoute, je suis plus esclave de l'autre, j'ai une chance. Maintenant, vous pouvez faire ce que je veux. Ben non. Il devait se demander qu'est-ce que le nouveau maître voulait de lui. Et ce matin, Paul va nous dire, hein, hey, t'étais esclave, mais t'es encore esclave. Tu ne peux pas partir et faire autre chose maintenant. Faire tout ce que tu veux. À partir du verset 16, on lit ensemble, si vous voulez bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Esclave un jour, esclave toujours. Ça va être notre petit verset ce matin qu'on va se rappeler. Esclave un jour, esclave toujours. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avions été créés esclaves. Le mot, là, dans le grec, pour le mot esclave, c'est le mot « doulos », qui est traduit dans la Bible « serviteur »,« esclave »,« ministre ». C'est un serviteur. Nous avons été créés dans le monde en Adam et Ève, nous avons été créés pour être des esclaves, des serviteurs de Dieu. Dans le paradis, nous avons décidé de changer de maître. De notre plein gré, en tant que race humaine, nous avons décidé de prendre le serpent pour maître. Étiez-vous là au paradis avec Adam et Ève? La Bible nous dit que vous étiez dans ses reins. Pourquoi ça veut dire ça? Pourquoi tu dis ça, on était dans ses reins? C'est une expression du temps de Jésus. D'être dans les reins, quelqu'un, ça veut dire que tu étais là dans le sens qu'il était ton arrière-grand-père, c'est ton ancêtre, tu étais en lui, dans le sens que, parce que tu étais pour venir au monde de lui, tu étais sa descendance. C'est une expression médicale, tu étais dans ses reins. Et nous avons choisi de pécher. Nous avons choisi de pécher. Nous allons voir ce matin qu'à cause que nous avons été passés, que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce, nous ne péchons pas, nous ne désirons pas pécher. Nous péchons en tant qu'êtres humains. Mais notre désir dans notre cœur, vu qu'on est devenu maintenant des esclaves de Dieu, on va voir ensemble qu'on désire le bien, on désire la sainteté, on désire la justice. Comme on a chanté tout à l'heure, je désire dans mon cœur être comme Jésus-Christ. On va voir ensemble cette vérité ce matin. Premièrement, on a vu que nous sommes esclaves de celui à qui nous nous livrons. Nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Et comme je viens de le dire, Adam a décidé d'obéir à quelqu'un qui lui parlait. Et le fait qu'il a décidé d'obéir à ce personnage-là, il s'est livré comme esclave, n'est-ce pas? Si tu fais ce que je te dis, n'es-tu pas mon esclave? C'est moi qui dirige ta vie. Je te dis quoi faire. Tourne à gauche, tourne à droite, descends, monte, toi à genoux, donne-moi ton argent. Hein? T'es mon esclave. Si tu fais ce que je te dis, t'es mon serviteur, t'es mon esclave. En se livrant au serpent, l'homme a décidé de devenir son esclave. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit aussi? Nous sommes esclaves du péché. Esclaves de la mort, esclaves du diable. Nous étions des enfants du diable. C'était notre père. Et délibérément, l'être humain a pris cette décision-là. En Adam. On a vu ça dans le chapitre 5. Le péché est entré par un seul homme, et la mort est entrée ensuite à tous les hommes, et tous sont péchés. Nous sommes devenus en lui des esclaves du péché. Jésus, lui, va obéir, on va voir tranquillement, Jésus va obéir à la justice. Et ça va influencer aussi de qui est-ce qu'il est leur maître? Et en même temps, il dit au verset qu'on a vu ensemble, au verset que nous, on a décidé d'obéir à la règle de doctrine. Nous avons décidé, nous, d'obéir à la règle de doctrine. Y a-t-il qui ont d'autres Bibles que ça, ce matin? Dans ma Bible, c'est marqué « règle de doctrine », mais y a-t-il qui ont d'autres traductions? Vous avez-tu du second, matin? Hein? Sur le verset... peut-être plus, je pense, c'est le verset... Au verset 17. Mais grâce au rendu à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, avec votre cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Y a-t-il d'autres traductions? J'ai deux autres traductions aussi, puis c'est traduit un petit peu différemment. Axel, pareil? Dans la Bible française courante, c'est marqué: mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Une autre traduction de la Tob. Rendons grâce à Dieu, vous étiez esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement commun auquel vous avez été confié. Il dit, le jour où de tout votre cœur vous avez décidé d'obéir à la règle de doctrine, d'obéir à l'enseignement que vous avez reçu, d'obéir à ce que moi j'appellerais aujourd'hui l'Évangile, vous êtes devenu son esclave. On est l'esclave de celui à qui on décide d'obéir. Comme on avait décidé d'obéir au péché, qu'on est devenu ses esclaves, maintenant il faut que l'homme décide de le faire. Ici, il parle aux Romains, il parle aux chrétiens de Rome, il dit, vous avez obéi. Gloire à Dieu, vous avez obéi à l'Évangile. Vous avez dit oui à l'Évangile. Et en disant oui à l'Évangile, vous êtes devenu esclave d'un autre. Esclave de la justice. Esclave de Dieu. Vous n'avez pas décidé de devenir quelqu'un d'autre que maintenant Dieu deviendrait votre serviteur. Oh, que ça, c'est dangereux. Oh, que ça, c'est dangereux. Des fois, on nous a présenté l'Évangile. Vous avez, quelqu'un vous a présenté l'Évangile. Vous dites, accepte Jésus dans ta vie, il va te sauver. Tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Tes péchés vont tout pardonner. Et là, on prend ça, puis là, on se dit, d'abord, on commence à demander à Dieu qu'il nous serve maintenant. Que Dieu nous donne des affaires, que Dieu prenne soin de nous autres. Que Dieu... C'est nous autres qui disons, je peux pas vous dire quel choc j'ai eu dans ma vie quand Dieu m'a dit un jour, si tu arrêtais de me dire quoi faire, ça irait bien mieux. Arrête de toujours me dire quoi faire. C'est moi le maître. Toi, t'es mon serviteur. Rentre-toi ça dans la tête. T'es mon serviteur. C'est moi qui dois le faire. Et je peux vous dire, mais arrive au ciel, il y a une chose que je demande au Seigneur. Quand est-ce que j'ai été sauvé? C'est-tu de 28 ans ou de 26 ans? Parce que deux ans après avoir fait profession de foi, d'avoir été sauvé parce que mes péchés t'ont pardonné, j'ai été pendant un an et demi, quasiment deux ans, à me battre avec le fait que je ne voulais pas être un serviteur de Dieu. On ne m'avait pas dit ça quand on m'a présenté l'Évangile. On m'avait dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Mais je ne voulais pas aller en enfer, donc j'ai accepté ça. Et tout d'un coup, je lis ma Bible, puis je m'aperçois qu'il faut que je serve Dieu. Voyons donc. Quand le pasteur est en avant, puis il me crie par la tête que je dois faire toutes sortes d'affaires. Voyons donc. Oh, hey! Personne ne me dit ça, moi, comment ça que c'est ça? Alors, vous m'avez dit d'accepter le Seigneur, j'irai au ciel. Tout d'un coup, vous me dites, fais plus ça, fais pas ça, va pas là, mange pas ça, touche pas à ça. Je dis, voyons, là, votre affaire, dis-moi tranquille. Puis je disais, mais je voyais bien que vous la cherchez Dieu. Ça, je le voyais dans le Nouveau Testament. Et ça m'a pris deux ans, mes frères et sœurs, à dire finalement, oui, j'accepte d'être ton serviteur. Ça m'a pris deux ans à dire ça clairement dans ma tête. OK, j'accepte maintenant de te servir. Je suis ton esclave. Tu peux me dire quoi faire. La vie chrétienne n'était plus la même après, d'un coup sec. C'était plus la même. Je venais de réaliser que j'étais un serviteur, un esclave. C'est pas quelque chose que nous faisons à tous les jours. C'est quelque chose qu'on a fait une fois dans notre vie. Quand on a dit oui, j'obéis à la règle de doctrine, oui, j'obéis à cet enseignement, à l'Évangile. Oui, je le prends. C'est ma règle de conduite, c'est moi. Dieu a fait de moi son esclave. Il a fait de moi son serviteur et sa servante. Mais peut-être si vous dites dans votre cœur ce matin, « Ouais, mais moi non plus, on ne m'avait pas dit ça quand j'étais sauvé. » Essayez d'y penser, puis dire maintenant, est-ce que je veux l'être? Est-ce que je veux l'être? Est-ce que c'est vraiment le désir de mon cœur d'être l'esclave de Dieu? Et que Dieu peut me dire le matin quand je me lève, « Voici ce que j'aimerais que tu fasses pour moi aujourd'hui. » Vous savez, ça m'a changé ma vie. Quand le matin, moi, je me levais, puis je priais, puis je disais, « Seigneur, voici, protège-moi, je m'envoie comme ça, fais-moi donc ça aujourd'hui, donne-moi donc ça, guéris donc celle-là. » Puis là, je disais au Seigneur, quoi faire? Puis là, quand, après ça, je me suis mis à me lever, puis je disais, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? » Oh, la vie était différente un petit peu. Hein? La vie est différente un petit peu. Dieu n'est pas notre serviteur. Il s'est abaissé, qu'on l'a vu ce matin, pour nous servir afin qu'on puisse être sauvé, mais pour qu'on devienne ses serviteurs, pour qu'on puisse le servir dans toute notre vie. Je lisais un livre cette semaine, quelqu'un m'a envoyé par la poste, du grand problème évangélique aux États-Unis. 65% des Américains se disent nés de nouveau. Puis l'auteur est désemparé de voir qu'une population de 65% d'un pays puisse agir comme il agit. Ils se disent croyants, selon lui. Puis il dit, maintenant, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, s'ils sont croyants? Comment peuvent-ils se dire d'être de nouveau, en même temps, se marier comme homosexuel? Comment peuvent-ils être de nouveau, en même temps, se faire avorter parce qu'ils ne sont pas de bonne humeur? Comment peuvent-ils maintenant se dire d'être de nouveau, puis à partir de sa côté sans dire un mot? Pourquoi ils peuvent-ils se dire de nouveau, puis là, il est tout déboussolé dans sa tête, cet auteur-là? Comment peuvent-ils se dire chrétiens? Puis il dit, ça semble que la règle de doctrine de leur vie, ce n'est pas Dieu. Mais peut-être qu'ils ont accepté le Seigneur juste pour aller au ciel. Et non pas pour être son serviteur. Nous sommes esclaves de celui à qui on obéit. Ça veut dire qu'un chrétien, des fois, ne désobéit pas. Ça veut dire qu'un chrétien ne pêche pas. Si on parle d'une décision première, j'obéis à la règle de doctrine, j'obéis à l'Évangile, et Dieu fait de moi une nouvelle personne, je deviens son esclave, il paye ma rançon, comme on l'a vu ce matin, et je deviens son esclave. C'est ce que le texte nous dit ce matin. Deuxièmement, il dit, au verset 18, que nous avons été affranchis. Affranchir une lettre, ça veut dire quoi? On met de l'argent dessus pour qu'elle sorte à quelque part. Hein? On paye des droits. Hein? On paye des droits. On paye 52. 52 ou 51? 55? Oh, je suis en retard. OK. On paye, mettons, 55. Et là, on dit, j'ai payé mon droit, tu dois prendre ma lettre et l'amener là-bas. J'ai payé le droit, mon service. Affranchir, ça veut dire qu'on paye pour avoir un service. On paye pour quelque chose. Et Dieu dit, j'ai été affranchi. Et remarquez bien ici que affranchir un esclave, c'est vous avez été affranchi. Il parle des chrétiens ici de Rome. Le mot, quand on dit vous avez été affranchi, c'est quel temps de verbe ça? Vous avez été affranchi. C'est un passé composé. Et dans le texte original, c'est une action qui est passée une fois dans le passé et c'est fini. Et en même temps, c'est un verbe à la voix active ou passive. Vous avez été affranchi. Tu sais que ça va en français? C'est une voix passive. Ça veut dire que j'ai subi ça. Ma lettre ne s'affranchit pas elle-même. Il faut que quelqu'un l'affranchisse. Avez-vous déjà oublié de mettre un thème sur une lettre? Qu'est-ce que ça fait? Elle vous revient. Elle vous revient. Ou bien l'autre dans l'autre bout qui l'a souhaité, il faut qu'il paye, lui. Et on ne peut pas s'affranchir seulement. Il dit, vous avez été affranchi. Quelqu'un a payé pour vous. Vous étiez passif. Il dit, vous avez été affranchi du péché. Quelqu'un a payé pour qu'on soit affranchi du péché. Et on sait, nous, c'est Jésus-Christ. On va le voir au verset 23. Vous avez le don gratuit de Dieu, hein, en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a payé. Pour qu'on puisse être affranchi. Nous avons été affranchis du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez aujourd'hui dans votre vie de tous les jours? J'ai été affranchi du péché. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, chrétien, maintenant, aujourd'hui, le 12 octobre 2003? Comment est-ce que je vis ça, le fait que j'ai été affranchi? Il y en a qui comprennent que je ne fais plus de péché à cause de ça. J'ai rencontré un homme un jour qui, lui, à cause de ces versets-là, à cause de ces vérités-là, il ne faisait plus de péché qu'il disait. Jamais. Mais puis j'ai pu. Juste des fois, involontairement, il ne voulait pas, là, mais il faisait. Et donc, Dieu, il n'en voulait pas pour ça, parce que c'était involontaire. Oh! Il comprenait mal le texte. Qu'est-ce que le texte veut dire? Parce que vous êtes, je suis, un affranchi du péché. Ça m'est arrivé, moi, il y a 27, 28 ans, 26 ans, je ne sais plus, en ce cas, dans ce coin-là. J'ai été affranchi du péché. Ça veut dire que moi, le péché, je ne suis plus son esclave. Il n'y a plus de droit sur moi. Il ne peut plus me donner des ordres comme il voulait avant. Il ne peut plus me donner la mort comme il pouvait avant. Il ne peut plus faire de moi ce qu'il voulait. J'étais affranchi, je ne suis plus son esclave. Avant ça, je ne pouvais pas lui dire non. Maintenant, je peux lui dire non. Et je suis affranchi, donc il n'y a plus aucun pouvoir sur moi pour l'éternité. Il n'y a plus de pouvoir sur moi le péché. J'étais affranchi, transformé par la résurrection. Il va m'emmener de nouveau sur une nouvelle terre et je vais être affranchi à ce moment-là totalement, de façon complète et pratique de tous les jours. Il est en train de me faire... je parlais comme si tu allais dire, moi je suis un esclave, j'ai été acheté à Toronto, mais le propriétaire est de Montréal, puis il m'amène à Montréal. Je ne suis pas rendu encore sur mon nouveau maître, mais j'ai été affranchi de l'autre. Je ne suis pas encore rendu, si je peux dire, au ciel, dans le sens que dans toute ma vie de tous les jours, je suis encore ancré avec la chair. Mais j'étais affranchi. Je suis un affranchi. Je peux dire non. Et je peux me rappeler le soir, quand je me couche, j'ai été affranchi. Donc le péché ne peut plus me donner la mort. J'ai péché aujourd'hui, mais j'ai été affranchi. Le Seigneur a payé pour moi afin que je puisse être affranchi. La troisième vérité qu'on voit dans le texte ce matin, c'est l'esclave est comme son maître, du verset 19 jusqu'au verset 23. L'esclave est comme son maître. Si vous étiez mon esclave ce matin et que vous me suiviez, parce que moi je m'en vais, vous êtes mon esclave. Vous allez venir où? À la même place que moi je vais. Vous allez faire comme moi. Vous êtes mon esclave. Tel esclave ou tel maître, tel esclave. Vous êtes comme votre maître. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme l'ancien maître. Parce que le nouveau maître va vous donner une nouvelle règle de vie. Il va dire, maintenant, avant ça, tu couchais à terre, maintenant, tu vas coucher dans un lit. Avant ça, tu ne t'habillais pas, maintenant, tu vas t'habiller. Avant ça, tu mangeais avec tes mains, maintenant, tu vas manger avec une cuillère. En tout cas, peu importe ce qu'il va nous donner. Lui, le nouveau maître, a des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de s'occuper de son esclave. Il dit, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire qu'on avait... On n'était pas obligé de faire ce que la loi nous disait. On était libre, on était l'esclave d'un autre. Dieu ne pouvait pas nous dire quoi faire. On n'était pas son esclave, on était l'esclave du péché. Donc on était libre, on n'avait aucune redevance à la justice. On n'avait aucune redevance à Dieu, parce que lui qui était la justice. Si moi, je suis un esclave de quelqu'un, s'il passe un autre maître au côté, il ne peut pas rien me dire. Je peux même lui faire une grimace. Il n'y a aucun contrôle sur moi. Je ne dois rien. Je suis l'esclave d'un autre. J'avais choisi en Adam d'être l'esclave du diable, d'être esclave du péché. Donc, Dieu n'avait aucun droit sur moi. Je n'ai rien à savoir de lui. Je n'étais pas son esclave. Donc, il dit, vous étiez libre. Il dit, qu'est-ce que vous faisiez? Vous portez des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est un phénomène assez spécial, ça. C'est juste l'être humain qui est rougi. Les chiens ne rougissent pas. Les chats ne rougissent pas. Les singes ne rougissent pas, même s'ils nous disent qu'ils sont nos ancêtres. On ne veut pas rougir. Les noix. Ah, peut-être, mais on ne le voit pas. Pourquoi on rougit? Mais ceux qui veulent s'oser, quand vous rougissez, vous autres, c'est pourquoi vous rougissez. Pourquoi vous êtes gênés? Pourquoi vous êtes gênés? Vous avez fait quelque chose, et là, vous rougissez. Parce que si vous étiez tout seul dans le bois, vous faisiez la même chose, est-ce que vous rougiriez? Non. Vous rougissez parce que du monde en a pas de vous autres. Hein? Si c'est pas de monde, on ne rougit pas. Si je suis tout seul dans la maison, puis que je m'en fasse, je tombe avec mon verre de lait. Je me relève, puis je suis mon pigra, comme on dit en québécois. Mais s'il y a du monde alentour, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous tombez sur la rue, c'est quoi votre premier instinct? Regardez, c'est du monde qui vous voit tomber! Là, on regarde le genou après, aïe, aïe, aïe, ça fait mal. Mais t'as regardé avant, ça fait du monde! Pourquoi? Et là, s'il y a du monde, si, ah, ils ont le malheur de rire en plus, ils sont pliés en deux, et là, on vient tout rouge. On a honte de notre comportement, on a honte de ce qu'on a fait. On a honte, je ne dis pas qu'on a raison d'avoir honte, mais on a honte. Il dit, si vous, il dit, maintenant vous êtes libre du péché, vous êtes esclave de Dieu. Vous, quand vous vous rappelez votre ancienne vie, vous en rougissez. Vous ne voulez pas revenir, hein? Il dit, loin de vouloir vivre comme avant, vous avez honte de votre ancienne vie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que je vous encouragerai. Quand vous donnez votre témoignage, faites attention de la façon que vous racontez vos péchés que vous faisiez avant. On doit en avoir honte de ça. On doit en rougir de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit se vanter. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit parler avec un sourire sur le bord de la bouche. C'est quelque chose qu'on devrait avoir honte instinctivement. On devrait se cacher de ça. On ne devrait pas vouloir que personne ne le sache. On a honte de la façon qu'on vivait avant. Loin de vouloir y retourner. Il dit, vous rougissez de votre ancienne vie. Tellement j'ai honte de la façon dont j'agissais avant. Il dit, quand tu étais esclave du péché, tu avais livré tes membres, ton corps, tu les avais livrés comme serviteurs du péché. C'est ce qu'on faisait avant. Hein? 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant toute votre vie avant que vous soyez sauvés, vos membres étaient le serviteur du péché. Je vais me dire, mais François, pas tout le temps, pas 24 heures par jour. Un esclave est esclave même quand il dort. Avant d'être sauvé, mes frères et sœurs, vous aviez livré vos corps au péché pour faire ce qu'il voulait. C'est ça que la Bible nous dit. Interprétez-les comme vous voulez. C'est pas juste quelques-uns ici, c'est tout le monde. Tout le monde. Même des grands, même le pape, même Sainte Thérèse, même Billy Graham, tout le monde. Tant qu'on n'a pas été libéré ou racheté par Dieu, nos membres, il dit, vous aviez livré tous vos membres au péché et vous faisiez le mal avec ça. Vous faisiez le mal avec ça. Des fois, c'est de travailler bien fort, mais c'est peut-être mal de travailler bien fort des fois, hein? Mais c'est péché, qu'il dit Paul. Et des fois, je me bats en dans nous-mêmes, j'ai des combats en dans nous-mêmes pour dire, mais j'étais-tu si pire que ça? J'étais-tu si mauvais que ça? J'étais-tu si méchant que ça? Ça se peut quasiment pas, ce que la Bible dit sur moi, c'est ce que j'étais avant d'être sauvé. Esclave du péché, et j'avais livré toute ma vie, tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, je l'utilisais pour le mal. Maintenant, il dit que vous êtes devenu esclave de Dieu. Il dit que vous êtes, c'est le contraire, vous êtes libre du péché. Vous rougissez de votre ancienne vie de péché. Et maintenant, vous portez des fruits, non pas qui mènent à la mort, mais des fruits qui portent à la vie éternelle. Des fruits qui fonctionnent pour la vie éternelle. Non pas qu'on porte des fruits qui vont nous donner la vie éternelle, mais des fruits qui nous mènent à la vie éternelle. Parce que c'est des fruits qui sont empreints de vie, qui nous emmènent, quand on va partir d'ici, à l'existence avec Dieu. Remarquez bien le texte, là. Regardez bien le texte, au verset 19. « Je parle en manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, et aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits vous portiez des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi, c'est un fait accompli. Étant affranchi et devenu esclave de Dieu, vous avez, hein, vous avez. C'est pas quelque chose, Paul ne prend pas ça pour quelque chose qu'il essaie d'avoir. Vous avez. C'est un état d'être. Vous avez, vous possédez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Le fait d'être esclave de Dieu, ça fait de nous des gens qui sommes saints. On est des saints, nous autres. Vous savez ça, hein? On est des saints. Le mot saint a deux sens, pur et mis à part. On est à part des autres. On est dans un autre camp. Il y a des esclaves du mal, du péché, et des esclaves de Dieu. Nous, on est dans les esclaves de Dieu. Et ce qu'on vit maintenant, ce qu'on porte comme fruit maintenant, c'est la sainteté. Et ça va nous emmener jusque dans la vie éternelle avec Dieu. On l'a déjà. C'est ce que nous sommes. Vous allez dire, mais François, on n'agit pas toujours selon Dieu. Vous agissez comme des gens sauvés qui vivaient dans la chair, dans le sens que vous êtes encore dans la chair. Et qu'est-ce que vous faites quand vous faites le péché? Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez dans le péché? Qu'est-ce que vous faites quand vous rendez compte que vous faites le mal? C'est quoi votre instinct naturel? Chercher à s'en défaire, à combattre, à l'avouer, à confesser. Parce que c'est ça la sainteté. Ça fait partie de la sainteté, ça. Vous avez déjà entendu l'histoire d'un homme qui élevait un petit cochon dans sa maison? Hein? Mais quand il avait le malheur de laisser la porte ouverte, savez-vous ce qui arrivait? Non! Il sortait dehors, puis il allait tout de suite dans le premier trou de boîte. Il se roulait dedans. Brrr, brrr, brrr. Même si ça avait un beau petit ruban rose à l'entour du cou, il se roulait dedans, puis il rentrait dans la maison comme ça. Il disait, oh! Le bonhomme le pognait, il était dans le bain, il l'avait au complet. Mais à chaque fois qu'il y avait la porte ouverte, vroom, il sortait. Jusqu'au jour où est-ce qu'il a dit, attends un peu, toi. Il l'amène sur le vétérinaire, dans l'histoire. Il l'amène sur le vétérinaire, puis il dit au vétérinaire, il dit, ce que tu fais avec ton petit cochon, puis ton agneau, ben, il dit, je voudrais que tu prennes le cœur de l'agneau et que tu fasses une transplantation dans le cœur de mon cochon. Et quand il est arrivé chez eux après ça, il laissait la porte de la maison ouverte. Et si le petit cochon avait le malheur de toucher à la boîte, il se reculait puis il se nichait. Puis il ne voulait plus aller dans la boîte. Il avait changé de cœur. Et nous autres aussi, on a changé de cœur. On a changé de cœur. Et des fois, on entend des choses, des fois, on voit des choses, des fois, on fait des choses, des fois, on voit des choses sur les autres, puis on se dit, oh, c'est pas correct, ça. C'est pas bien, ça. C'est mal, ça. Des fois, on voit dans notre propre vie, oh, ce que j'ai fait là. Et cet esprit nous convainc, oh, c'est mal ce qu'on a fait. Il y a quelque chose là-dedans, nous autres, qui fait dire maintenant, tu te liches quand tu fais le péché. Tu veux enlever ça. Tu veux travailler avec ça. Tu te réjouis plus de ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ce qu'on vit. Ça, c'est la sainteté. Ça, c'est des fruits qui nous amènent à la vie éternelle. C'est comme ça qu'on est. Même dans la désobéissance, on agit encore comme quelqu'un qui est un saint. Parce qu'on réagit à ça. On réagit à ça. Donc ce matin, on est passé notre... On est un esclave. Esclave un jour, esclave toujours. Esclave un jour, esclave toujours. Et maintenant, on est des esclaves de Dieu. L'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 6, non seulement pour sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu. Qu'il faut de bon cœur la volonté du Seigneur. C'est notre désir ce matin. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est notre désir de connaître la volonté de Dieu. C'est notre désir de vouloir faire comme Dieu. Et quand on tombe, nous voulons se relever. On veut marcher avec Dieu. Esclave de Dieu. Un esclave de Dieu ne peut pas dire, « Ah, ben là, je voudrais vivre encore comme avec mon ancien maître. C'est jamais mieux ça, là. » L'esclave de Dieu ne fait pas comme les Juifs pendant qu'ils étaient dans le désert. « Oh, on aurait dû rester en Égypte. C'est bien mieux en Égypte. » Celui qui est né de nouveau ne pense pas comme ça. Des fois, j'entends les chrétiens dire, « Ah, oh, c'est pas facile la vie chrétienne. C'est dur la vie chrétienne. Hein? » C'est dur pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Pour quelqu'un qui est chrétien, c'est fantastique. Des fois, on est triste de pécher, mais c'est pas dur. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents ce matin que tu aies fait de nous tes esclaves. Merci que c'est à cause de toi que tout cela est arrivé. À cause de ce don gratuit que tu nous as donné en Jésus-Christ. À cause de ce don qui est la vie éternelle. Le salaire d'être l'esclave du péché, c'était la mort. Mais le salaire d'être esclave de Dieu, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir payé la rançon. Merci de nous avoir affranchis. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir donné la vie en abondance. Merci d'avoir fait de nous des gens qui ont un espoir assuré. Rien dans ce monde ne peut nous séparer de toi. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.